par cette merde, t'es mon malléable. J'ai le dessus sur eux comme une vieille âme qui bataille dans le faussaire, c'est le bazar. Ça pète comme un pactate, les regrets m'assaillent quand deuxième mois passe à l'acte. Les bougies s'éteignent quand je rappe. Je danse le boogie woogie avec j'étane. Ma rage, ma serre, faudrait constat. Je veux pas faire un constat, gros, c'est pas du ayam. J'attends la fin comme les mayas, le changement ça m'accasse, la motive en carafe. Je bois ma peine jusqu'au coma, c'est comment. Je terminerai comme un comanche. La légende s'est trompée, y'a pas de sauveur ici. Pas de sauveur ici. Les ténèbres engloutiront tout, ça va saigner, y'a pas de chance qu'on trouve la bonne sortie. Pas de sourire qui s'esquisse, je m'extire du temps de vie, les cadavres s'entassent, c'est des sectes qu'on distille, dur comme scientifique, je peux briller des bombes si, seul bail qui m'arrêtera c'est psy. Racine, coriace, get le game, faire du Coleman. Je sais que je vais rester sous du connard, foot mes devs, crée des collabs. Jour de vent, nouveau den, beaucoup de pensées, beaucoup de peine. Pull up ça, si tu piches, ah tu glisses ça, si il faut la mine, crack, coup de maître. Jour de vent, nouveau den, beaucoup de pensées, beaucoup de peine. Pull up ça, si tu biches, ah, tu ça, s'il fait la mine, crack, coup de maître. Chaud devant, nouveau den, hey, hey. Beaucoup de pensées, beaucoup de peine, hey, hey. Pull up ça, si tu biches, ah, tu ça, s'il fait la mine, crack, coup de maître, hey, coup de maître. Que la roue tourne, fou, je dois un bras au karma ainsi qu'à mes anges. Que je fais qu'ennuyer quand je fréquente le mal sans gêne dangereux dans ce jeu pour quelques anges. Ange, elle a ses rappels concrets dangers, j'ai magie compétence, j'ai là où il pense mes pensées. Je confonds noirceur et lumière, j'aime taguer mes poumons en matin, je me croise les fumées. 21ème bougie dans ce nouvel air où tout est terne, j'attends plus que les doutes c'était. Ici bah j'ai pas trouvé de paix, écoute cette merde, une syllabe c'est un coup d'épée. L'homme pour qu'avant de son âme, comme une canne dans son cale pour prendre son cash. Comme un, j'essaie de commettre qui attend son crash, je veux pas être une échange, je veux juste prendre mon time. Indécis sur comment se comporter, un jour faudra chez là les regrets. Comporte. Le changement c'est à ma portée, frère je m'en prends, je reste devant sa porte. J'ai le beurre du calacra qui fait ce qui pas la frappe. Récit crate ça te calme, apprécie mat la vibe. La résine crame ça rap, imbécile je rappe ma life. Chaud devant, nouveau den, beaucoup de pensées, beaucoup de peine. Pull up ça, si tu piches, ah tu glisses ça, s'il faut la mine, crack, coup de maître. Chaud devant, nouveau den, beaucoup de pensées, beaucoup de peine. Pull up ça, si tu piches, ah tu glisses ça, s'il faut la mine, crack, coup de maître. Chaud devant, nouveau den, hey, hey. Beaucoup de pensées, beaucoup de peine, hey, hey. Pull up ça, si tu biches, ah, tu plies ça, s'il fait la mine, crac, coup de maître, hey, coup de maître, hey, hey. Chaud devant, nouveau den. Pull up ça, si tu biches, ah. Chaud devant, nouveau den. Pull up ça, si tu biches, ah. Mes livres et si les idées fusées s'entremêlent entre elles. La mine est givrée, oui j'aiguise la plume et sans remède je m'en perds. Ça parle pas d'une prend les seuls, mais ce qu'une peine est seule. Pour qu'à compter des peurs, comment vais-ce qu'il t'offre, est-ce pesé n'est seul. Regarde ce qui reste, y'a pas grand chose à part un type qui se meurt. Ça fera pas danser le smurf, Vélodis heurt, t'as tout plein de pleurs qui me veulent. Ça bat sur le Parkinson, crache ma pave à la base du peuple. Dans la rame jusqu'en bas du fleuve, quand je rappe, je fais les dieux qu'il pleuve. Maïve un tableau, sans couleur c'est gris, c'est. J'écris texte sans prétexte, tu ressens tout le reste tristesse. Y'a juste un pan, t'as démancé, ouais, ma soir pour calmer l'encéphale. Je me sens peinard quand je m'efface dans l'espace, y'a. Accompagné de ma folie, c'est que ça pue un peu. J'ai vu se ternir l'étoile juste après que j'ai fini de faire mon vœu. Ça sera pas chasse tes pieux, cache en rage à la place fermée. Je pousse le truc de manière telle que ma façon de rap bien belliqueuse. Puissance colossale, comment ferme comme au bain pour que j'arrête. J'suis pas colonna, mais j'pèterai bien la maison d'arrêt. On sera pas légendaire, je dois fuir tous les gens que j'aime. J'suis la sagesse, y'a toujours pas la sagesse, quoi que jamais. C'est crade, je crache ma prod, la bonne tête, tu frissonnes tes pales. C'est crade, je vote la prod alors que j'ai du shit sur des wads. C'est pas la hurle, mais la daronne qui m'a bercé. Bon gars, j'ai des 16 vénères, des versets, des versets sévères. Yeah. J'me passe des saïras, des passes du mal qui gagne. La qu'on s'efface des sales images. J'conçois des failles et de l'art qui tape. Train de vie bancale, j'vois ma conscience sur les rails. J'ai pas su tuer le battu, j'ai moi. J'suis qu'un bateau sur les vagues.